Je verse des larmes de sel quand je vois les âmes se perdre. Je regarde les astres le ciel, je pense aux désastres de siècle. Mon subconscient est triste, cœur ne veut rien d'électrique. Impossible à décrire, je vide mes tripes à l'écrit. J'entends les cris du monde quand le vent souffle. Rien n'est gros depuis la source. Je quête les étoiles, je suis dans le doute, cherche la grande ours. J'ai trop donné, moi j'attends que la vie me rembourse. Je fais peu de billets de banque pour près de grandes bourses. Je pourse le bonheur, je fais la course. Gros stick de j'y couche, tire dessus et je te couche. Ça parlait mal aujourd'hui, je les baisse par la bouche. Jeune négro, jeune carlouche, je suis dans le top, je trouve ça louche. J'ai regardé haut, je rêve pas, pas, pas, pas, je vide mes cartouches. Faut que je graille, faut que je croque, sans que je craque. Non, je peux pas me braquer, je sais qu'on m'ébrique, je fais pas de break. Hier j'étais broke, donc paye ta race, paye avec moi, pas de troc. Fuck, envoie le fric, sinon je frappe. Moi je peux pas baisser mon froc, j'ai trop d'amour propre. J'ai des noirs qui me trottent, mais des mondes braques, j'ai le cœur en braque. Donc je suis pas dans la drague, bitch, moi je suis dans la drogue. Je suis dans ma grotte, je fume et je crache, du feu je crache. Je les écrase, envoie le chrome et que je les crame. Envoie le chrome, je commets des crimes. J.O.S, la crème de la crème. Le soleil brille plus fort après la crème. Donc jamais de crève, jamais de trêve, jusqu'à ce que je crève.